Quand j'ai 18 ans, je vais à la fac. Il me faut du boulot pour avoir un peu de thunes. Donc je réponds à une annonce qui demande à des jeunes de se réunir dans un café, puis on va leur expliquer quel est le boulot. Moi, je débarque et on me dit qu'en fait, c'est pour faire du porte-à-porte, pour vendre des trucs. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Je savais même pas qu'il y avait de la vente à porte-à-porte qui existait. Donc on monte dans une camionnette, on va dans un village, on me file un sac avec des bonbons dedans, et puis il faut toquer aux portes, et puis vendre le paquet de bonbons, 10 fois son prix, évidemment, mais il faut vendre le paquet de bonbons. Donc moi je vends mon sac de paquet de bonbons, puis quand le gars revient me chercher une heure plus tard, il me dit « combien t'en as vendu ?» Je lui dis « bah tous ». Alors il est étonné, il me dit « ah bon ?» Alors il m'en redonne un sac, il revient une heure plus tard, il me dit « alors t'en as vendu combien ?» Je lui dis « bah tous ». Puis là il comprend pas, il y a un truc qu'il comprend pas, puis moi je suis en train de sentir que « ah !» Je suis sur un filon. À la fin de ma journée, j'avais gagné 1500 francs à l'époque. Donc c'était juste génial. Je me rendais compte qu'à faire ça tout le mois, j'allais gagner plus que mon père à vendre des bonbons dans les villages. Et je comprenais pas la difficulté qu'ils avaient. Et en fait, j'ai compris que plus tard que c'était facile pour moi la vente parce que je savais quoi dire et comment le dire à n'importe quelle personne, puisque j'étais en lien avec sa structure énergétique, et que simplement je prononçais les mots qu'il fallait pour qu'il soit convaincu. Donc c'était pour moi facile, et puis finalement j'ai laissé tomber mes études, puis j'ai commencé à vendre des trucs et des machins de toutes sortes. Donc ça a démarré comme ça, mais finalement, faire du commerce ou être clairvoyant, c'était la même chose, c'est-à-dire se mettre en lien avec le monde de la personne et entrer dedans. Si tu veux, quand je regarde un mur ou un fauteuil ou une personne, il y a ce qui est de l'ordre de la matière, qui représente à peu près 2% de ce qu'est l'objet, et puis les 98% de vide ou 99% de vide qui sont en face de moi, eux contiennent l'information contenant la nature même de cette matière. Et dans ce vide-là, tu as toutes les informations possibles et inimaginables. Plus tu laisses ton corps ressentir les choses, plus il te renvoie d'informations sur ce que tu es en train de contempler. En fait, ce n'est pas un don, un talent ou un truc particulier. C'est juste, tu vois, quand tu rentres dans une pièce, tu as une information sur la pièce. Immédiatement, tu sais s'il y a une bonne ambiance, une mauvaise ambiance, s'il y a de l'agressivité dans l'air, une bonne entente, etc. Ben, ça, c'est de la clairvoyance. Si tu acceptes de ressentir ça et que tu ne remets pas en doute cette perception que tu as lorsque tu rentres dans la pièce, tu vas avoir d'autres informations, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Et à force de travailler avec, ça devient très, très, très, très fin. Mais c'est juste un outil qui est affiné, mais c'est le même que tout le monde a. C'est-à-dire quand tu rentres dans un endroit, tu as une information. Moi, en fait, c'est ce que j'ai utilisé comme mécanisme de défense. C'est pour ça que ça s'est très vite développé. C'est le mécanisme que j'ai trouvé pour m'intégrer dans ma famille. C'est le mécanisme que j'ai trouvé pour m'intégrer à l'école, puis avec les professeurs, puis dans la vie active. Et puis à chaque fois, en fait, c'est l'outil que j'ai utilisé pour entrer en relation avec les gens. Ma structure, au départ, c'est, si tu veux, c'est la structure d'un tricheur. Je regarde l'autre. Je sais ce qu'il faut dire ou faire, et je me mets à tricher. D'ailleurs, quand j'ai commencé mon travail de thérapeute, je trichais énormément avec les gens. C'est-à-dire que je réunissais un groupe, et je leur disais ce qu'ils avaient envie d'entendre. Donc du coup, j'étais un super thérapeute, parce que quand tu te mets à dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, alors là, c'est bon, il n'y avait plus personne pour être contre toi. J'utilisais ça juste parce que je me sentais pas à la hauteur, je me sentais écrasé, j'avais besoin de me sentir valable, de reprendre pouvoir sur les femmes, sur les autres hommes de mon âge avec qui j'avais besoin de reprendre de l'ascendant. Et j'ai remarqué qu'une langue bien acérée, c'était... tout aussi efficace que n'importe quel outil pour prendre pouvoir. Et puis ce truc-là a eu des limites, parce que quand je disais aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre, moi je voyais rien en miroir de ce que j'étais. Donc je faisais rien bouger chez les autres, puisque je ne voulais rien bouger chez moi. Moi je voulais juste avoir raison. Et donc ce système-là, très vite, si tu veux, trouver des limites. Il a fallu que je souffre de la situation pour me dire « bon, il faut que je bouge mon ego dévoyé, que je bouge ce truc d'orgueil, mon besoin absolu de reconnaissance ou d'être vu ou d'être aimé, etc. » Et puis, stage après stage, puisque donc plusieurs stages par mois, ça fait que à chaque fois que tu bouges quelque chose chez quelqu'un, tu vas le bouger chez toi, il a fallu que je fasse vraiment le travail d'aller me reconnaître chez les autres. Plus j'avançais là-dedans, plus il a fallu que je sois vrai dans ce que je captais. Quand tu vois chez l'autre qu'il est en plein mensonge, tu es obligé de reconnaître que tu es dans le même mensonge. Sinon, tu ne peux pas le faire bouger chez l'autre. Donc du coup, tant que je n'étais pas prêt à me regarder comme un menteur, je ne pouvais pas dire à l'autre « ton problème, c'est que tu es en train de mentir ». Mais plus j'ai compris l'intérêt qu'il y avait à me reconnaître sincèrement, plus j'ai pu donner à l'autre ce que je voyais vraiment chez lui et pas ce qu'il fallait lui dire pour qu'il m'aime. Plus je me mettais à dire aux gens exactement ce que je voyais, plus je grandissais moi dans ma vie, plus je m'aimais moi, plus les autres s'aimaient. Enfin, ça y est, la résolution a commencé vraiment à bouger à ce moment-là pour moi. C'est pas une espèce de truc de tu utilises mal ton pouvoir, donc t'es puni par on ne sait quelle force, machin. C'est juste que ce que t'envoies dans la vie, bah, tu le récupères. Donc j'envoyais du cynisme et je le récupérais, j'envoyais de la méchanceté et je le récupérais. J'envoyais en force pour écraser les gens et je le récupérais. C'est-à-dire que j'avais le retour, mais c'est le retour de ce que j'envoie naturellement. L'univers se contrefout de nos actions, c'est-à-dire que si on agit bien, on reçoit un truc bien, si on agit mal, on reçoit un truc mal. Tu vis simplement ce que t'envoies dans la matière. J'ai simplement compris qu'on est dans un monde vibratoire où tout est fait de fréquences et d'énergie, et que chaque mot qu'on prononce est une énergie. C'est pour ça que les prières existent, c'est parce qu'une prière, c'est une fréquence qui est envoyée. Mais en fait, lorsqu'on parle, on est toujours en train de prier. Chacune de nos vibrations, chaque chose que l'on émet, est un ordre que l'on donne à l'univers. Si on se met à vibrer de la peur, on donne l'ordre à l'univers de nous faire vivre des situations où on a l'occasion de sentir cette peur. Et pareil, si on vibre de la joie, on donne l'ordre à l'univers de nous envoyer plus de joie. Bien avec les mots, c'est la même chose. Chaque mot est une clé vibratoire. Et si on utilise les mots dans des combinaisons particulières, on crée des clés vibratoires. Moi, c'est ma façon de travailler. Car cet enchaînement de mots mis à la suite les uns des autres, même s'ils n'ont pas une cohérence mentale, vont avoir une cohérence énergétique qui, une fois rentrée dans la structure énergétique du sujet, va en modifier l'aspect, donc le résultat dans la matière. Quand tu reçois un mot qui bouge ta structure énergétique, c'est ta vie qui bouge, parce que ta vie, c'est l'absolu résultat de cette sphère énergétique dans laquelle tu navigues. Donc à chaque fois que tu vis une expérience qui modifie ta sphère énergétique, bah le résultat de ta matière, très concrètement, change. On a toujours exactement ce qu'on souhaite, parce que nous sommes le résultat d'une équation vibratoire. Cette équation vibratoire est faite de ce qui est conscient dans notre esprit et aussi de ce qui est inconscient. Donc consciemment, je veux une montagne de pognon pour m'éclater avec et faire l'expérience de la liberté. Alors on va dire, bah non, moi je veux ça et c'est pas l'expérience que je fais. Tout simplement parce que ce que je demande à l'univers, ça n'est pas ce que je demande avec ma voix, c'est ce que je demande avec mon équation vibratoire, tout ce que je dégage, consciemment et non consciemment. Donc consciemment, je vais dire je veux de la thune, et puis en fait déjà, ce que je veux réellement, c'est pas de la thune mais de la liberté. Et puis je vais dire je veux de la thune, mais en même temps, dans mon non-conscient sont inscrits « la thune, c'est de la merde, la thune, ça pourrit tout, l'argent a détruit ma famille, l'argent, c'est ce qui fait que la moitié de l'humanité est en train de crever ». C'est-à-dire qu'on a une demande consciente et puis il y a une vibration non-consciente qui est émise. En fait, quand je dis qu'on a toujours exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on vit toujours les résultats exacts dans la matière de ce que l'on a dégagé à un niveau vibratoire. La matière, c'est de l'énergie agglomérée. C'est de l'énergie polarisée, en plus et en moins. Lorsque je vibre quelque chose, j'agglomère de l'énergie semblable. Si je vibre à longueur de temps, le monde est agressif, le monde est dangereux, je finis par faire une expérience concrète qui me prouve mon système. Ça, c'est la règle du jeu. Tout ce que l'on pense devient vrai dans notre système. C'est pour ça que la spiritualité n'est pas prouvable. Parce que celui qui pense qu'il n'y a que la matière en a la preuve. Celui qui pense qu'il n'est pas le maître de sa vie en a la preuve. Notre liberté de créer est telle qu'on peut même créer l'expérience d'avoir le sentiment de ne pas être le créateur. C'est ça qui est dingue dans le truc, c'est que la règle s'applique tellement partout et tout le temps et avec tout le monde que tout ce que tu crois devient vrai. Donc si tu crois que tu crées un peu ta réalité mais pas trop, t'en as les preuves. Si tu crois que tu crées ce qui est positif dans ta vie mais pas la merde, t'en as la preuve. Si tu crois que les mecs ne sont pas fiables, tu en as la preuve. Si tu crois que les femmes sont des menaces, tu en as la preuve. Et tu auras toujours la preuve de ce que tu crois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que tu crois devient une vibration. C'est une vibration que tu envoies, que tu émets autour de toi. C'est ce que d'aucuns appelleraient le champ électromagnétique autour de toi, ou l'aura. Il y a inscrit autour de toi tout ton système de croyances. C'est là-dedans que je puise pour ma clairvoyance. C'est dans cette sphère énergétique, que c'est ça que j'appelle la structure, et c'est là-dedans que je vais puiser pour avoir des informations te concernant. Parce qu'autour de toi, dans tout ce que tu ne dis pas, et même que tu ne sais pas forcément de toi, il y a toutes les informations te concernant. Ces informations sont autant d'ordres à l'univers. Voilà ce que tu dis à l'univers. Tu lui dis, tu vois cette aura là, tu vois cette sphère autour de moi, eh ben remplis-la de ce qu'elle est déjà. Voilà comment on ordonne à l'univers. La première tentative, elle est de se dire, bon ben alors du coup, il faut que je modifie cette sphère énergétique pour obtenir d'autres choses. Effectivement, toute la part sur laquelle je suis conscient, je peux travailler dessus. Je peux me mettre à aimer de plus en plus ce que je suis, au point que l'univers réponde « tu aimes de plus en plus ce que tu es ». Avec encore d'autres thérapeutes, on va aller voir en fait ce qui est dans ma sphère non consciente, afin d'en prendre conscience, donc d'agrandir la sphère de la conscience et de se mettre à travailler là-dessus de façon à accepter de plus en plus ce que je suis. Et je dis bien « accepter de plus en plus ce que je suis », non pas « changer ce que je suis », qui est la marque du déni, non pas transformer ce que je suis, mais l'accepter tel que je le perçois. Donc c'est ça l'idée du boulot, en fait, c'est d'arrêter le boulot sur soi. C'est comprendre en fait que plus je travaille sur moi, plus je suis en train de m'éloigner de ce que je suis. Donc en train de ne pas aimer ce que je suis. Aimer ce que l'on est, c'est simplement le reconnaître. Si j'arrive à simplement accepter cet état de fait, je peux remplir la sphère autour de moi de la joie d'être simplement moi. Et là, en fait, je me mets vraiment à me remplir ma sphère d'une prière, d'un ordre donné à l'univers, qui est « remplis-le d'encore plus de joie d'être moi et de contentement d'être moi ». On est obligé d'entrer dans cet espace à un moment de dire « ce que je suis convient, ça va ». Mais en acceptant simplement d'être ce que je suis ici et maintenant, je remplis ma sphère autour de moi de la joie d'être moi et je peux vous dire que la vie devient beaucoup plus facile. Toute l'énergie qui devait arriver jusqu'à toi arrive enfin jusqu'à toi. Tant que tu cherches à être autre chose, tu rames. J'en ai fait l'expérience concrète. Plutôt que de se laisser guider par simplement notre envie, par simplement ce qui nous fait plaisir, on veut faire corréler ce qui nous fait plaisir et notre envie avec le monde entier. Je dis le monde entier, je veux dire notre monde entier. On veut être validé par nos amis, par notre famille et par notre public. On veut que les choses soient acceptées par tout le monde. Du coup, on va avoir naturellement tendance, lorsqu'on cherche sa voie et qu'on a des indices sur cette voie, on va avoir tendance à chercher le consensus plutôt que de simplement à plonger soi-même dans l'expérience. Les signes, c'est vous qui les placez sur votre chemin et c'est vous qui les interprétez. L'invisible, il ne fait que te parler puisqu'il est toujours en train de te révéler ce que tu es. Ce que tu perçois dehors, c'est simplement le copier-coller, le miroir parfait de ce que tu émets comme vibration. Donc, on crée le signe et ensuite on l'interprète et après on dit « j'ai eu un signe, c'est juste par là ». Non, on a besoin de se convaincre parce qu'on a trop peur de nos choix, on a trop peur d'être nous-mêmes et surtout on a peur d'être décrié dans nos choix. Seulement nos choix, ils nous feront jouir, ils nous amèneront du plus, ils nous amèneront du bonheur dans la vie qu'à partir du moment où on sera les propres maîtres de nos choix. C'est quand on pose des décisions qui vont de nous vers nous que la jouissance, elle peut venir. Quand on pose les décisions inconscientes qu'aurait décidé maman à ma place, qu'aurait décidé papa à ma place, qu'aurait décidé la société à ma place, bah là en fait je ne fais que être le bon petit chien de maman, de papa ou de la société, et c'est pas ça qui m'a apporté la jouissance d'être qui je suis. De quoi essayes-tu de te garantir? Contre quelle menace essayes-tu de te protéger? Tu vas vivre ce que tu es venu vivre? Tu vas venir faire ton expérience? Alors qu'est-ce qui pourrait arriver dans ta vie de te mettre à être le gars que tu as vraiment envie d'être et à faire exactement ce que tu as envie de faire dans la vie? Comment être exactement l'homme que tu as envie d'être et faire exactement ce que tu as envie d'être pourrait générer du malheur dans ta vie? Est-ce que le fait de tout contrôler, de chercher des garanties à tout bout de champ, de faire des choses sérieusement, t'a apporté la légèreté et la joie? Est-ce que ton fonctionnement fonctionne? Est-ce que ta façon d'entrevoir la vie, ce que tu as compris de la vie, faisait de toi un être libre et heureux et d'un total lâcher prise et d'une totale clarté dans la vie? Je crois pas. Moi, ce qui est marrant avec les gens qui viennent me dire « Ah non, mais qu'est-ce que tu crois? Les choses, elles tombent pas du ciel, c'est pas si facile, etc. » Les gens qui vivent avec ce niveau de croyance-là en font l'expérience et en plus, leur système ne les a jamais rendus heureux, c'est ça qui est dingue. C'est que moi, quand ça ne m'a pas rendu heureux à 20 ans, je me suis dit « fais chier, ça ne me rend pas heureux ». Puis à 25, je me suis dit bah, « finalement, ce que je pense et ce que je crois ne me rend toujours pas heureux ». Puis à 30, je me suis dit « putain, ce que je pense et que je crois ne me rend toujours pas heureux ben, ». Si je me continue de croire ce que je crois, à un moment donné, il faudra que j'arrête de gueuler après l'extérieur. Si ce que je crois ne fonctionne pas, change quelque chose à ta vie. Donc quitte à changer quelque chose à ta vie, bah, autant que changer pour quelque chose que tu adores faire. Donc quand je sais, en fait, instinctivement, instinctivement, ça suffit largement, simplement ce que j'ai envie de faire ou dans quelle direction j'ai envie d'aller, je plonge corps et âme là-dedans et j'arrête de chercher la validation. Si les génies de notre temps avaient attendu d'être validés par d'autres, on penserait encore qu'on est sur une terre plate, personne n'aurait eu le courage de trouver la relativité, personne n'aurait eu le courage d'aimer comme Mère Teresa aime, personne n'aurait eu le courage de faire des choses nouvelles, et on aurait tous fait les trucs que tout le monde fait, donc personne n'aurait jamais rien fait de nouveau, donc on n'aurait pas découvert ni le feu ni la roue. Il y a heureusement des gens qui, à un moment donné, osent aller découvrir quelque chose qui n'a pas déjà été découvert, en osant dire des choses qui n'ont pas déjà été dites, et en osant ressentir des choses qui n'ont pas déjà été validées par leur entourage. Ce qui va faire que vous allez toucher votre génie, que vous allez vivre votre plus belle expérience, c'est que vous allez oser passer au-dessus de la peur de décevoir tout le monde en vivant quelque chose qui n'a pas déjà été prouvé, qui n'a pas déjà été démontré. C'est lorsque vous allez aller vivre quelque chose où vous n'avez pas la preuve que vous avez raison, où vous ne pourrez pas démontrer que vous avez raison, même qui n'est pas rationnel, c'est là que vous allez vraiment vous éclater et vivre quelque chose de nouveau et amener quelque chose de nouveau dans ce monde. Je me guide en fonction des événements qui se produisent, en étant le mec que j'ai envie d'être dans tout ça. Si t'as envie de gueuler, tu gueules. Si t'as envie de pleurer, tu pleures. Si t'as envie de rire, tu ris. Regarde comment fonctionnent les enfants. Tu veux savoir comment vivre ? Regarde les enfants. Tu sauras. Vie comme un enfant, c'est que ça, c'est que de la vie. Et le sérieux que tu rajoutes dessus, c'est de la peur. L'angoisse du contrôle que tu pourras pas avoir sur la vie. Tout simplement parce que le contrôle et l'angoisse sont les deux faces d'une même pièce, tout simplement. Donc lorsque tu vas aller jouer à « je contrôle ma vie » en réfléchissant à tout, en fait, tu es en train de générer de l'angoisse. Quand tu es en train de poser des attentes dans la vie, qu'est-ce qu'il y a en dessous des attentes ? Des déceptions. Donc plus tu poses d'attente, plus tu vivras de déception, et plus tu poses de contrôle, plus tu vivras d'angoisse. Et c'est là qu'il y a une invention merveilleuse de l'humain, c'est la souffrance. C'est que quand on a marre d'avoir mal, tu es obligé de voir les liens entre l'intérieur et l'extérieur. Quand la première fois que tu as vécu une rupture, tu te dis « ah non mais mon mec c'était un con », tu te dis la deuxième fois « ah celui-là il a rien à voir avec le premier », et puis au bout de 6 mois avec lui tu te dis « merde c'est le même, il est aussi con que le premier », et puis le troisième qui est encore pareil, tu te dis « bon ok ». Le problème, c'est moi. Donc c'est grâce à la souffrance que tu finis par redevenir le propre créateur de tes circonstances et d'arrêter de remettre dans l'extérieur la faute qui, en fait, n'est pas une faute. Donc c'est grâce à la souffrance que tu finis par être maître de ta situation. Parce que sinon, tu ne veux pas bouger, tu veux juste avoir raison. Donc effectivement, il y a cette tentative d'abord de rejeter la faute, puis après on souffre assez pour dire « bon, ok, j'arrête de déconner, c'est moi, en fait, le lien et le point commun entre toutes mes expériences bidons et ratées, c'est moi ». Donc bon, à la fin, ça vient de moi. Donc je suis obligé de récupérer mes billes, c'est-à-dire mon rôle de créateur, et à partir de là, je vais essayer de faire autrement. Et finalement, essayer de faire autrement aujourd'hui, c'est accepter d'être celui que je suis et arrêter de vouloir me transformer. C'est là, en fait, que les cadeaux commencent à affluer. C'est quand j'arrête de me piétiner tous les jours à vouloir être autre chose. C'est quand j'arrête de me massacrer tous les jours à croire que je vais être plus digne d'amour quand je serai avec un mec ou quand je serai avec une femme, que je serai plus digne d'amour quand je serai riche que pauvre, que je serai plus digne d'amour quand je serai reconnu dans mon travail plutôt qu'avant. Quand j'aurai cessé de me piétiner, l'énergie pourra enfin affluer jusqu'à moi de façon libre, sans avoir besoin de me donner des leçons à tout bout de champ. Car si la vie ne me donne pas exactement ce que je veux à tout bout de champ, c'est pas pour me faire chier, c'est juste parce que j'ai 2-3 trucs à reconnaître sur moi. Les reconnaître suffit. Il n'y a pas besoin de se battre comme un chien. Tant que tout ça n'est pas reconnu, faut se le fader, faut vivre la vie. Alors la vie se charge simplement d'apporter les pièces de théâtre nécessaires pour que les émotions qui doivent être vécues soient vécues, pour que tout ceci trouve résolution. Et il n'y a pas besoin d'être thérapeute, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant. La vie se chargera de faire comprendre à chacun ce qu'il a besoin de comprendre pour trouver son propre personnage, accepter d'être simplement qui il est. Il n'y a pas d'autre bataille à avoir. Il n'y a pas besoin de dire « ah oui, non, mais alors si je pousse dans cette direction, mais si je fais ça, alors ça va m'apporter tant, mais alors je lui dis, alors si je suis gentil, alors il va me faire. » Et tous ces calculs-là, ça fera rien, ta vie, ça créera rien du tout. Ça créera qu'un personnage qui a tellement peur de se tromper qu'il se trompera, tellement peur de blesser qu'il blessera, tellement peur d'échouer qu'il échouera. On n'est pas du tout obligé de souffrir pour évoluer. Par contre, on aime tellement avoir raison que la plupart du temps, une fois qu'on a raison, on ne veut plus rien bouger. Donc, on crée de la souffrance pour créer le moteur. En tout cas, moi, j'ai beaucoup marché comme ça. Je me suis tellement retrouvé dans des endroits dans ma vie où j'étais parfaitement au sec, si tu veux, où j'avais ce que je voulais, mon petit paradis, ma femme, mes gosses, ma baraque, mon pognon, et où j'avais tout, qu'il a fallu que je crée des maladies, des sciatiques ultra-violentes qui m'ont changé la vie, AVC, ce genre de trucs, en fait, qui sont des événements qui créent de la douleur et que je crée pour accepter de me défaire de personnages qui me plaisent trop. Parce que quand tu es dans un personnage qui te convient à tous les étages, c'est vachement difficile de le faire évoluer. La souffrance reste quand même un moteur beaucoup utilisé, mais en tout cas pas nécessaire. Cela dit, juste pour revenir vraiment au début de notre discussion, l'évolution, c'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on arrête de vouloir évoluer. L'évolution tient plus du lâcher-prise que de l'action. Et le lâcher-prise n'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est quelque chose qu'on ne peut que ne pas faire. Faut vivre, tout bêtement. En fait, la vie est faite pour être vécue. Et les pièces de théâtre qui apparaissent dans la vie, qui sont le fait de recevoir une facture, d'avoir ton cousin qui passe à la maison, ta voiture qui tombe en panne, ou une bonne nouvelle, ou machin, le fait de vivre la vie suffit à créer les mouvements énergétiques nécessaires à résoudre les multiples équations qui se mettent à naître de notre besoin de conduire de l'énergie. Vivre la vie suffit, c'est déjà la solution à la vie. Les choses arrivent toujours à point pour résoudre l'équation dont tu as besoin. Par exemple, je suis dans ma vie, en train de vivre l'équation, je suis complètement pris dans ma théorie, pris dans mes certitudes, et je suis complètement sclérosé dans mon personnage. Mon propriétaire arrive et me dit « il va falloir déménager ». Moi, ça fait 12 ans que je vis dans la maison, le cadre dans lequel je vis est merveilleux, j'ai pas du tout envie de bouger, et je me demande pourquoi. Mon propriétaire vient et me demande de bouger. En fait, mon propriétaire, il vient et me demande de bouger, parce que si je vis la vie, c'est-à-dire que simplement je réponds à l'injonction et que je fais mes bagages et que je vais vivre ailleurs, eh bien mes certitudes, ma sclérose de « j'ai tout compris et j'ai plus rien à bouger » va bouger. Parce que quand tu déménages, des nouveaux paramètres, etc., etc., tu bouges. Donc, ce que me propose la vie, si je le vis, me fait bouger en fonction de ce qu'il y avait à faire bouger chez moi. Il n'y a pas besoin d'être spirituellement ouvert, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de clairvoyant, pas besoin de thérapeute. Des choses arrivent dans ma vie, je réagis à ça en ayant des émotions, et bien en vivant les émotions, je résous l'équation énergétique qui se proposait. Tout simplement. Vivre la vie, c'est la solution à la vie. Tout le reste, c'est du blabla pour essayer de comprendre, tenir et contrôler. Le comment on va s'en sortir, c'est quand on croit qu'on doit s'en sortir. On doit s'en sortir parce que le monde est agressif ou parce que le monde est réel et à l'extérieur de toi. La vie est dure et tu dois souffrir pour la gagner. Si c'est ta croyance, tu en feras l'expérience. Si tu veux vivre dans un espace où d'un côté, tu crois que tu es créateur de ton expérience et que de l'autre côté, la vie est dure et tu es bien obligé de te battre, alors tu vis avec deux réalités. Donc tu vivras avec ces deux réalités. Tu as la preuve que tu es effectivement le bon créateur de ton expérience. Ose vivre plus loin et vois ce qui tombe. Ça a juste à voir avec le système de croyances. Il y en a qui sont persuadés qu'ils vont réussir et ils réussissent. Il y en a qui sont persuadés qu'on n'a rien sans rien et ils se battent comme des chiens. C'est presque de la naïveté, j'ai envie de dire. Les plus naïfs réussissent le mieux. Il y a plusieurs niveaux de libre-arbitre en fractal. Il faudrait imaginer que ton être cherche à ressentir des émotions. Parce qu'en fait, il n'y a que ça d'intéressant sur cette planète, c'est-à-dire vivre des aventures qui déclenchent des émotions. Les émotions sont comme des feux d'artifice énergétiques qui amènent, comme qui dirait, à d'autres niveaux de réalisation et de jeu. Ce qui va te faire passer d'un niveau à un autre niveau, c'est les émotions que tu vas contacter. Donc tu cherches certaines émotions, et quand tu les as, tu es au niveau suivant, et ainsi de suite. Donc l'idée pour l'être, c'est d'enfiler des perles de sagesse appelées émotions. Chaque émotion vécue est une nouvelle perle de sagesse dans le panier de l'être. C'est le libre-arbitre de l'être, et il n'est jamais contrarié. Ce qu'il veut vivre comme émotion, il va le vivre. Et en même temps, en simultané, et à un niveau fractal, c'est-à-dire en copie exacte du fonctionnement du premier, tu as le libre-arbitre de l'humain, à l'étage du dessous. C'est les choix que tu vas faire dans ta vie. Et quels que soient les choix que tu fasses dans ta vie, tu finiras quand même par arriver à vivre l'émotion que ton être, lui, avait envie que tu vives. Mais vivre des émotions, on peut les vivre de n'importe quelle situation. Que tu sois riche, pauvre, grand, moche, machin, l'émotion, tu peux la vivre. Car en fait, l'émotion qu'on a envie de vivre ne dépend pas de l'extérieur, mais d'un choix intérieur. On a le choix d'être en colère, d'être heureux, d'être triste ou pas, comme on veut, quand on le veut. Personne ne peut nous obliger. Si quelqu'un veut t'obliger à être triste, il ne peut pas. Et si quelqu'un veut t'obliger à être heureux, il ne peut pas non plus. Donc, au niveau de l'humain, on a tous les choix qu'on veut. On va à la destination décrite par l'être. Nous, ce qu'on remplit comme contrat à l'étage de l'humain, c'est la façon dont on y va. Est-ce que tu veux y aller sur les genoux en souffrant ou en sautillant, en rigolant? C'est ton choix, mais tu arriveras au même endroit. Parce que l'être a décidé qu'il avait besoin de ressentir cet état d'être-là. Du coup, je conseille fortement de se laisser guider par ce qui nous plaît, tout simplement. Mais tant que tu es plongé dans « zut, si je vais par là, est-ce que je loupe ça ?» et machin, ça c'est un fantasme tridimensionnel. Les gens qui viennent me voir dans les stages vont bien et sont obligés de se raconter une histoire, à quel point ils vont pas bien du tout, pour justifier le fait de venir me voir. D'ailleurs, la plupart du temps, les premières 5 minutes d'échange, c'est pour démystifier leur faux malaise. Parce qu'on est en fait, on est dans une société où être victime nous range immédiatement dans le camp des gentils. Donc les gens ont fabriqué des victimes dans leur système à fond. C'est incroyable. Le monde a été divisé en, il y a les gentils et les méchants. Les méchants font du mal aux gentils, donc les gentils sont victimes des méchants. Donc maintenant, dès que tu es victime, tu es rentré dans le camp des gentils. C'est extrêmement simple. Donc il suffit d'être victime à cause de maman, à cause de papa, à cause de la société, à cause de la crise, à cause de la guerre, à cause du gouvernement mondial, à cause des chemtrails, à cause de la malbouffe, à cause de tout et n'importe quoi. On crée des ennemis, et de plus en plus d'ennemis, car à chaque fois qu'on trouve un ennemi, on justifie en fait que nous sommes dans le camp des gentils. Car tous les camps sont tous le camp des gentils. Tous les protagonistes de chaque guerre dans n'importe quelle partie du monde sont les gentils de l'histoire. Et ils sont tous en train de se battre au nom du bien contre les méchants. Mais on est trop aveugles et imbus de nous-mêmes pour s'en rendre compte. Alors les gens que j'attire dans mes stages, en fait, quand ils viennent, ils se disent « Bon, alors comme je vais le voir, il faut que j'ai un problème », et ils inventent un problème. Mais clairement, ils inventent un problème. Mais ils ne l'inventent pas pour venir me voir, hein, ils l'inventent déjà dans leur vie. Les gens vont te dire « Je n'ai jamais été aimé par mes parents ». Ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé dans leur vie avant leurs 5 ans. Ils n'ont aucun souvenir de la réaction qu'a eu leur papa devant leur berceau. Ils n'ont pas passé des heures à être bercés, peut-être. On ne leur a pas changé leur couche, peut-être. On n'est pas allé au boulot pour remplir le frigo, peut-être. Ils ont complètement oublié ces petits détails. Mais les gens oublient complètement ça et ne veulent juste que regarder à quel point la vie a été méchante contre eux et comment ils sont empêchés, comment ils ont un blocage. Et les gens, ils viennent avec tous cette phrase « j'ai un blocage ». C'est important d'avoir un blocage parce que ça justifie mon mal-être aujourd'hui. Ça justifie que je ne sois pas la personne que j'ai envie d'être. L'idée n'est pas de gommer nos contradictions, mais de les prendre à plein bras en disant « je suis grand et petit ». Et tant que je voudrais être que la moitié de moi-même, c'est-à-dire que le pur, que le beau, que le grand, que le gentil, que le généreux, je vivrai avec un seul œil, en ne voulant regarder que la moitié de moi et en posant un déni sur ce que je suis réellement. Et ce déni sur ce que je suis réellement, c'est-à-dire chaud et froid, grand et petit, noir et blanc, ombre et lumière, si je mets un déni sur mon ombre, et bien cette ombre apparaîtra dans ma matière. Car plus vous voulez regarder de vous ce qu'il y a de positif, et bien plus ce que vous ne voulez pas voir de vous apparaît dans votre matière. Car en fait, l'inverse de ce que vous êtes est toujours avec vous. On est dans un monde relatif. Nous sommes les deux choses à la fois. Quand on refuse d'être la moitié de soi, elle apparaît dans notre matière. Et c'est pour ça que la matière marche comme elle marche en ce moment. Pourquoi en fait les gens regardent dehors et ne peuvent pas se reconnaître? Parce qu'ils veulent être simplement la moitié d'eux-mêmes. Ils veulent être que purs, que généreux, que grands, que gentils et sympathiques. Lorsque on a compris qu'il n'y avait plus qu'une conscience observante qui regardait la matière se dérouler à travers nous, lorsqu'on a compris qu'il n'y avait plus rien à faire et qu'il y avait juste à être, eh bien, arrive une étape suivante, une étape que je trouve encore plus merveilleuse. Lorsque j'ai touché du doigt cette sensation, on est tellement au contact du divin qu'on a le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il y a juste à être, eh bien, c'est le moment pour se mettre à faire. C'est justement parce qu'il n'y a rien à faire qu'on peut faire. Ça devient gratuit, c'est un coup dans l'eau, c'est juste pour jouer. C'est quand on a compris qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait que à être, que l'on peut enfin se remettre à faire. Mais là, on ne se met plus à faire pour obtenir, on se met à faire, pour le plaisir et pour jouer. Car c'est ça qu'on est venu faire sur ce plan dual. On est venu pour jouer. Alors c'est sûr que quand c'est devenu si sérieux, quand on a oublié qu'on jouait, et que la matière est devenue super sérieuse, parce que nos enfants tombent malades, parce qu'on meurt, parce qu'on souffre, alors là, c'est devenu sérieux. Alors là, on veut vite se barrer. Et là, d'un seul coup, on veut vite regarder la vie comme ça. Que, montrez-moi que ce qui est beau, s'il vous plaît. Et vite, vite, Vite, de l'unité, ramenez-moi dans l'unité, j'ai trop mal ici sur cette planète. Mais quand on est retourné là-haut et qu'on a bien compris qu'on était là que pour jouer, qu'il n'y avait rien à faire et juste à être, alors là on redescend dans la matière, là on redescend dans la dualité, là on redescend dans « je suis grand et petit » parce que je m'en fous. Je suis grand et petit, je suis juste là pour jouer, c'est pour de faux, comme quand on est gamin. Quand je suis méchant, c'est posé sur ma gentillesse. Quand je suis égoïste, c'est mon altruisme. Quand je suis grand, je suis petit. Je suis cette dualité incarnée. Je suis la dualité incarnée. C'est ça, un humain. Vous n'aviez pas remarqué ? Les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles. Il s'avère que, dans notre lointain passé, nous avons conçu nos corps physiques comme des véhicules afin de venir faire une expérience dans un monde relatif. Mais avant d'être des humains, nous sommes d'autres êtres qui avons le plaisir de manipuler de la génétique pour avoir créé des sphères de vie comme cette planète, puis avoir sur cette sphère créé des corps, puis avoir investi ces corps pour aller jouer. On a induit dans le personnage, pour qu'il reste en vie, la peur de mourir. Donc on a fabriqué un truc qui s'appelle l'ego, qui va en fait te permettre d'avoir peur de mourir et donc créer de la survie. Du coup, ton personnage, quand il arrivait au bord d'une falaise ou d'un volcan, au lieu de tomber comme un con dedans puis de devoir revenir pour rejouer, le truc est au bord, ah, il s'arrêtait parce que tu avais induit dans son système la survie. Le problème, c'est que les véhicules qu'on a créés sont des véhicules qui fonctionnent de façon autonome, c'est-à-dire que lorsqu'ils se mettent à croire quelque chose, ça devient vrai pour eux. On s'est mis à oublier qu'on était Dieu. Et c'est un plan dans le plan, c'est-à-dire que les dieux que nous sommes sont hyper contents d'avoir été oubliés que nous étions Dieu. Parce que ça, en fait, c'est vraiment jouer. Quand tu es en train de jouer à la vie, au point d'oublier que tu es en train de jouer, vous imaginez la qualité du jeu. C'est pas un petit jeu vidéo où tu sais que si tu meurs, c'est pas grave, tu as encore des vies. Là, on est à fond dedans, complètement pris dedans, au point d'oublier totalement que nous sommes Dieu. Et le jeu est tellement bien foutu que ça peut faire 200 000 ans qu'on est pris dans le jeu complètement, en oubliant complètement qu'au départ, nous sommes des dieux qui, eux, en fait, ne sont pas en train d'attendre, parce qu'ils ne sont pas dans l'espace-temps, car ça n'est que dans le monde relatif que le temps existe, mais dans l'endroit où on est en train de nous regarder jouer, on n'est pas du tout en train d'attendre. On est juste en train de faire cette expérience-là. Donc nous, qui sommes actuellement pris dans la matière, les bras jusque-là, complètement croyant que nous sommes notre corps, dans une peur panique de perdre le corps de nos chers amis et amours, et dans la peur de perdre notre propre corps, on est pris dans la matière et c'est plus du tout un jeu. Vous voyez le délire ? Mais on a été tellement loin et tellement loin dans la matière pendant des centaines d'années, des milliers d'années et des milliers de vies, qu'aujourd'hui, on est en passe, et c'est là vraiment le pied de l'humanité, pour moi en ce moment, c'est qu'on est en passe de se souvenir en fait que notre véritable nature, c'est d'être en train de nous regarder jouer et de voir en fait que en fait on est là pour jouir et s'éclater dans la matière. Et je voudrais encore ajouter un truc pour vraiment insister dans ce point de vue-là parce que ça a changé ma vie de comprendre ça comme ça. Parce que non seulement je ne suis plus en colère contre le Dieu fondateur que je suis, le maître généticien que je suis depuis un lointain passé, et dont on se fout aujourd'hui, je suis juste Franck l'humain, perdu dans la matière comme tout le monde. Mais au moins je ne suis plus en colère contre cette part-là de notre ombre. Parce que j'ai compris que c'était moi déjà, et je comprends l'enjeu. Mais il y a un autre truc. Vous savez les anges, est-ce que vous avez remarqué que les anges, dans toutes les cultures, sont à notre service ? On prie les anges et les anges interviennent. On va pour mourir, les anges nous sauvent. On va pour vivre un truc désagréable et les anges viennent nous aider. Il n'y a pas un truc qui vous gêne avec ça ? Ils sont toujours derrière l'humain à vouloir nous sauver. Mais vous n'avez pas une vie à vivre ? Tu sais, un espèce de truc comme ça, de dire, mais c'est quoi l'idée avec les anges ? On dirait qu'ils sont accrochés à l'humain et qu'ils ont un seul but, c'est nous aimer et nous aider. Mais en fait, quand tu rentres en contact avec cette fréquence-là, ils sont vraiment comme ça. Et vous savez pourquoi ils sont autant à notre service ? C'est parce que eux, en fait, ce sont des êtres qui n'ont pas eu, comme nous, le courage d'aller nous perdre autant dans la matière. Un ange ne dispose pas de libre arbitre, parce que, en fait, son libre arbitre, il se résume à ça. Je suis Dieu. Le libre arbitre de l'ange, c'est de toujours choisir Dieu. Un ange ne choisit que l'amour. Un ange ne choisit que Dieu, tout le temps Dieu, et rien que Dieu. Donc, il ne se perd jamais dans la matière. Les anges nous admirent, car nous, en fait, on a notre libre arbitre qui nous permet de choisir l'ombre et la lumière, de choisir le diable ou Dieu, de choisir la haine ou l'amour. Les anges nous admirent et nous soutiennent parce que nous avons été plus loin qu'eux. On va dans l'endroit où on oublie complètement que nous sommes Dieu. On est parfaitement paumé depuis notre propre dessein. C'est notre choix le plus profond d'être paumé. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors c'est sûr, et je le conçois, quand on a complètement oublié qu'on jouait, quand on ne comprend plus rien aux règles du jeu, et quand on ne veut plus que croire à « non, non, la course au pognon, et il n'y a que ce que je crois », les gens sont tellement loin de cette réalité-là que, oui, là, leur vie est d'une intensité incroyable parce que ça fait vraiment peur. Et finalement, d'avoir saisi ça, ça n'amenuise pas l'intensité du jeu parce que j'ai toujours aussi peur pour mes enfants. J'ai toujours aussi peur pour la vie, j'ai toujours aussi peur de mourir. Je reste un humain pleinement. Mais il y a quelque chose qui ramène de la jouissance parce que je commence à comprendre un petit peu ce qu'on est en train de foutre là. Vous voyez, c'est un peu moins dénué de sens, c'est un peu moins injuste. Lorsqu'on arrive, lorsqu'on est sur cette planète, j'ai envie de dire lorsqu'on émerge à ce niveau de réalité, parce que c'est ça une naissance pour moi, lorsqu'on émerge à ce niveau de réalité, on télécharge la carte du niveau, comme dans un jeu. Donc, immédiatement, à la naissance, tu télécharges le décor, si tu veux. Si on se mettait à regarder tous les deux là-bas et à prendre une poignée de cailloux, si on la compte, on va compter le même nombre. Donc, on est bien face à une réalité objective. Elle est le décor, le champ d'expérience dans lequel nous allons produire notre expérience. Sachant autre chose, par exemple, c'est que tout le monde est persuadé que tout le monde voit la même chose que lui. Moi, je ne vis pas dans le même monde que toi. On ne voit pas les mêmes choses. T'es pas tombé sur les mêmes bouquins. Tu ne regardes pas les mêmes infos au même moment. Quand tu allumes ton ordi, c'est pas les mêmes infos non plus. Et chacun, en fait, perçoit ce qu'il a besoin de percevoir, si tu veux, du monde. Et si on sélectionne seulement une part de cette réalité objective, c'est parce qu'on sélectionne la part dont on a besoin pour faire une expérience particulière. On n'est pas parfois en vie et parfois mort. On est, si vous voulez, pour donner une image, constamment dans l'invisible, constamment. Ça ne s'arrête jamais. Notre part invisible est éternelle. Et de temps en temps, j'ai envie de dire, et c'est de temps en temps que pour la part incarnée, puisque cette part invisible n'est pas soumise à l'espace-temps, et de temps en temps, je focalise ma pensée au point en fait qu'elle devienne tellement dense qu'elle se polarise en positif et négatif et qu'elle devienne matière. Donc je fabrique des corps en polarisant de la pensée. Mais non seulement je ne fabrique pas qu'un seul corps à la fois, mais je crée plusieurs multimois simultanés pour faire des expériences simultanées dans le multivers. Mais chacune de ces expériences ne sera consciente que d'elle-même. Par contre, à aucun moment, je suis totalement dans la vie et il n'y a pas de ma part, il n'y a pas moi dans l'invisible. Je suis constamment dans l'invisible, en train de veiller à toutes ces parts en activité. Et des morceaux de moi, des parts de moi, si vous voulez, sont, comme qui dirait, incarnés dans une expérience physique, dans un espace-temps particulier. Et ce qui est marrant aussi, c'est que toutes ces multi-émanations, c'est-à-dire ce que je suis ici en 2016, c'est je suis né, moi, en 1973, parce que j'avais besoin de vivre une expérience dans ce laps de temps où le décor est comme ça et l'humanité vibre ça, parce que j'ai besoin des informations que je vais récolter en tant que Franck Lobvay sur ce plan pour aider mon incarnation d'à côté à vivre ce qu'elle est en train de vivre et vivre mon autre incarnation d'il y a 500 ans, il y a 600 ans, il y a 2000 ans, dans 2000 ans, pour en fait apporter de l'information à toutes ces parts-là en activité. Nos vies en fait sont toutes simultanées. Donc si je suis en train de vivre sur un plan avec mon petit avatar, on continue d'être dans Bernard Werber, tu sais, en train de créer son truc et de regarder au-dessus, nous les dieux, et puis en train de regarder nos petits bonhommes faire le truc. C'est vraiment une image parfaite qu'il renvoie. Donc je suis là en train de jouer avec mes petits bonhommes, et il y a un de mes petits bonhommes qui vit une aventure, waouh, c'est un peu trop dense, un peu trop violent. Il est dans un champ de coton en train de courir et il est poursuivi par une dizaine de chiens. Et quand ils vont le récupérer, les chiens vont à moitié le dévorer et ils vont le pendre à la plus haute branche du domaine. Vous voyez l'image, on est en 1847, dans un champ de coton en Caroline du Sud. Et tu es en train de vivre cette expérience-là. Tu commences à sentir le souffle des chiens sur ton talon, et là, il y a quelque chose d'extrêmement flippant qui se met à naître. Et tu sens que pour l'être, ce que tu es en train de vivre, ça va être trop fort. ça va pas être possible, et il va mourir dans l'instant tellement le choc de peur est trop important. Mais pour le dieu ou l'être qui est au-dessus, on se dit non, celui-là j'en ai besoin, je veux que mon avatar continue de vivre, car je veux une suite pour lui. Je veux qu'il se démerde de cette situation-là, je veux qu'il s'en sorte. Mais la fréquence qu'il va devoir canaliser dans cet instant est beaucoup trop forte. Car chacune de nos émotions, si vous voulez, est comme une fréquence qui doit nous traverser. Cette fréquence, quand elle nous traverse, elle nous bouge. C'est comme une montée de Kundalini. Quand tu as une fréquence légère qui te traverse, juste tu perds ton chien, ça crée une fréquence qui te fait pleurer. Ce qui te fait pleurer, en fait, c'est le frottement de l'énergie à l'intérieur de tes canaux énergétiques. Si tu vis quelque chose de trop fort émotionnellement, tu vas claquer. Donc, le temps s'arrête, puisque le temps, en fait, ce sont des pulsations. Le maître au-dessus, il se dit, bon, comment je fais? Lui, il est en train de claquer, mais j'en ai besoin parce que je voudrais faire cette expérience avec. Il dit, pas de problème, je vais créer une autre émanation. Donc, il fait naître un autre Franck en 1973. On crée une émanation, et Franck, il va naître en 1973 dans une famille où le papa, il est maître chien. Et puis, la maman, elle est fascinée par les clébards, et on a un chenil. Et donc, il grandit au milieu des chiens et des machins. Et lui, les chiens, c'est sa came. Il sait comment leur parler, il sait comment les regarder, il connaît chaque ton de leur aboiement, il sait exactement ce que signifie chaque grognement et chaque machin, et il n'a pas peur du tout des chiens. C'est même pas du tout un sujet pour lui. Et le Franck, qui va grandir avec cette connaissance des chiens, à chaque fois qu'il va s'endormir, comme tout le monde fait dans sa vie, quand il va s'endormir, il va faire des mises à jour avec toutes ses parts en incarnation. Et le Franck, qui est en train de courir dans le champ de coton, esclave avec les clébards qui sont derrière, une nuit, en dormant, il va avoir reçu toute l'information du Franck qui connaît tout à propos des clébards. Et donc, quand il sera à ce moment critique qui allait vraiment trop le faire paniquer, il saura en fait que les chiens, en fait, ils sont excités par les maîtres, mais qu'ils n'ont pas faim, et que s'ils se retournent et qu'ils leur parlent comme ça et comme ça, voilà ce qui va se passer. Il a réuni l'information qui va lui permettre de vivre cette expérience-là. Donc là, je vous donne vraiment une fausse information, parce que c'est tellement complexe que je ne peux pas vous donner la vraie information. Car le Franck qui naît en 73, il est né pour 10 000 raisons de ce type-là. Et celui qui court dans un champ de coton qui est né en 1812, il est né pour 10 000 raisons comme ça. Et ces 10 000 raisons-là vont avoir une résonance avec celui qui est né en 1500, qui a 10 000 raisons. Et celui qui est encore en activité il y a 500 000 ans, qui est en train de frotter ses silex, lui, il est en train de choper de l'information, enfin, vous voyez, du même tenant. Et c'est pareil pour le futur. Donc, toutes nos parts en incarnation forment une gigantesque équation qui échappe complètement à notre entendement. Ce que je viens de vous dire est ridicule du point de vue de la complexité de l'équation qui est en cours, tellement les dieux que nous sommes sont d'une intelligence qui dépasse notre entendement. Donc, oui, il n'y a pas d'intérêt pour nous de sortir des limites du jeu. Nous sommes ici pour jouer. Dès qu'on arrête de jouer, en fait, on est obligé de recréer une émanation et de recommencer. Je parlais tout à l'heure de notre lointain passé, qui est en fait notre cerveau reptilien, tout simplement, nos atavismes les plus profonds, et qui est la part créateur dans la créature que nous sommes, c'est-à-dire notre propre Dieu. C'est juste nous, depuis une perspective tellement grande qu'on a du mal à le comprendre. Eh bien, de la même façon, à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire dans notre futur, tu trouves en fait les civilisations hautement évoluées ou les êtres hautement évolués, comme par exemple les Pléiadiens ou ce genre d'énergie ou de fréquence, qui ne sont pas des êtres ou des extraterrestres et machin. Moi, je parle que de fréquence énergétique. C'est-à-dire que quand je parle d'un ancêtre reptilien ou d'un ange ou d'une licorne ou d'un dragon ou de un extraterrestre du futur, en fait, ce ne sont que des fréquences. Ça n'est pas plus réel que ce plan-là. Pour moi, il n'y a rien de réel d'autre que les fréquences. Donc quand on parle de forme, c'est-à-dire ancêtre ceci, futur cela, licorne, dragon, machin, quand on parle de forme, on parle de l'illusion que prend l'énergie lorsqu'on la contemple. L'énergie, elle est de l'énergie, quand on la regarde, elle prend des formes. Donc cette forme du futur, qui pourrait être un pléiadien, c'est en fait la même chose, c'est-à-dire nous, mais depuis notre lointain futur. Donc en fait, ces civilisations hautement évoluées ne peuvent pas évoluer plus que là où elles en sont, car elles ont besoin que nous évoluions, car nous sommes la même chose. En fait, lorsque quelque chose veut évoluer, chaque part de cette chose doit évoluer. Si je suis le passé de mon double du futur, lorsqu'il veut continuer d'évoluer, il doit me faire évoluer. C'est pour ça, en fait, qu'ils nous aident. Ils sont simplement en train de s'aider, eux, à évoluer. Dans cette vie-là, tu as exactement le même exemple. l'homme que tu es aujourd'hui, s'il veut évoluer, qu'il doit aller voir l'enfant que tu étais et aller guérir les traumatismes qu'avait l'enfant pour que l'homme évolue avec. Si l'homme que tu es aujourd'hui continue de chercher à évoluer, mais n'essaye pas d'aller soigner ses blessures de manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de ceci et de cela, ben, l'homme que tu es aujourd'hui, en fait, si tu veux, se retrouve, comme qui dirait, coincé dans son aventure. Ces êtres ethmo évolués qui sont intéressés par notre croissance, c'est simplement nous, veillant sur nous-mêmes depuis un lointain futur, puisque en fait, tous les temps étant simultanés, ben, on existe à tous les bouts du spectre. Ils nous aident en fait par toutes ces canalisations, par les crop circles qui vont atterrir sur cette planète, de l'information qui va arriver par tel ou tel canal, ou simplement en fait des réajustements de fréquences vibratoires qui pour nous servent à rien, auxquels on n'est même pas au courant, l'activation de certains sites, de certains cristaux, il y a des formes de vie qui sont en lien avec les baleines, les dauphins, etc. Et nous on n'a pas prise, on sait rien à propos de tout ça, mais un travail se fait. Et on n'a pas besoin de savoir que ça se fait. Le jeu en fait, auquel on est en train de jouer maintenant, pourquoi on est sur une planète polluée, pourquoi on est sur une planète sur laquelle il y a des guerres, pourquoi on est face à un tel reflet. On est actuellement sur une planète qui est en train de nous enseigner les liens de cause à effet, c'est-à-dire les liens qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. On est en train, par le reflet de ce qui se passe sur notre planète, d'intégrer le phénomène de la créature créateur. Nous sommes des créatures, mais nous sommes les créateurs. Nous sommes en train de prendre conscience qu'à chaque fois qu'on bouge de l'énergie, ça a des conséquences. On est en train d'apprendre que quand tu jettes ton mégot par la fenêtre, tu finis par avoir une planète polluée. Tu es en train d'apprendre que quand tu jettes du plastique par la fenêtre, tu finis à la fin par avoir un dauphin sur une plage en train de crever. On est en train d'apprendre les liens de cause à effet entre ce que je produis et ce que ça crée. Et avant, on ne pouvait pas le voir, simplement parce qu'on n'avait pas les outils technologiques pour savoir que quand tu fais quelque chose, ça a une répercussion à l'ode mondiale. Et aujourd'hui, on le voit. On voit aujourd'hui que ton petit fascisme à ne pas t'accepter devant la glace, à te trouver trop moche pour fonctionner, à te trouver trop nul et trop con, crée des guerres à l'autre bout du monde où des gens tellement persuadés qu'ils sont bons et du bon côté du manche font la guerre aux voisins. Et toi, en fait, c'est une guerre que tu fais dès le matin devant ta glace. Mais on est tout doucement en train d'apprendre les liens de cause à effet entre l'intérieur et l'extérieur. Et en 2500, peut-être que la planète n'est plus polluée, mais que le nouveau challenge va être d'intégrer comment intégrer l'énergie accélérée et chacune de mes pensées devient vraie. Alors là, c'est un autre challenge. À chaque fois que je pense à un ours polaire, il apparaît dans mon salon. Comment je fais? Et on pourrait vivre, tu vois, un autre problème à un autre moment. D'accord? Donc là, on vit juste une fenêtre qui est 2016 et qui est l'enseignement qui a pourquoi partout on voit que de la détresse et de la mort, ben parce qu'on est toujours en train de brasser ça dans nos pensées. On apprend les liens de cause à effet entre le dedans et le dehors. Donc du coup, on nous présente une planète qui est en train de mourir et on nous la vend avec la planète va mourir, vite, vite, faites-lui un massage cardiaque, il faut la remettre en vie. Je voudrais juste qu'on comprenne que Gaïa est un être qu'on a du mal à comprendre parce qu'il ne vibre pas que en trois dimensions, ça n'est pas que le caillou qu'on connaît, cet être se contrefou absolument de savoir si l'effet de gaz, de plastique, de pneus, de pétrole, de fleurs, de forêts, de belles rivières ou de beaux lacs. La planète, elle est elle-même, quoi qu'il arrive, qu'elle soit sous forme de plastique, sous forme de pétrole ou sous forme de pétales de fleurs, elle est toujours la planète et elle se moque bien de savoir quelle est sa forme. Quant à cet anthropomorphisme systématique qui nous pousse à faire croire que tout a peur de mourir sur cette planète, c'est nous, humains, qui avons peur de mourir. Et là aussi, j'en ai parlé plus tôt, on a peur de mourir pour les besoins du jeu. La véritable conclusion que j'aimerais apporter à notre discussion, c'est plutôt beaucoup de religions, de civilisations, de livres tournent autour d'une notion simple, c'est que dans notre cœur, il y a ce que nous sommes de toute éternité. Vous savez, cette espèce de notion. Dans ton cœur, il y a la merveille que tu es. Dans ton cœur, il y a l'étincelle divine. Ici, là, logé au centre du chakra du cœur, il y a l'étincelle divine. Il y a le temps zéro, il y a l'absolu, il y a le divin. On nous a dit, si vous voulez entrer dans le cœur, il faut s'aimer soi-même. Et alors là, on nous a fait des bouquins là-dessus, s'aimer soi-même. Et évidemment, c'est très compliqué, parce qu'en même temps, on nous a dit que s'aimer, c'était se prendre dans les bras, être tendre avec soi, machin. En fait, on ne sait même pas ce que c'est exactement. Ben, c'est très compliqué. Quand on nous dit juste la phrase, ben, y a juste à s'aimer soi-même, tu repars avec ça, et tu peux faire 10 vies là-dessus, c'est incompréhensible. Donc, voilà comment j'ai envie d'écrire les choses. Imaginons que dans le centre de ce chakra du cœur, il y ait un point tout petit. Et ce point tout petit, on l'appellera le chat de l'aiguille. Lorsque j'entre dans l'infiniment petit du tout petit trou là, je trouve la merveille qui est Franck. Le truc, c'est que pour passer par le tout petit trou du chat de l'aiguille, je dois accepter d'être infiniment petit. C'est lorsque, et c'est le passage qui mène ici, j'accepte d'être infiniment moi, que j'arrive à passer pour trouver la merveille que je suis. Non pas comme on nous le vendait auparavant, en nous disant « il faut vous aimer, donc comme il faut que je m'aime, il faut d'abord que je devienne merveilleux ». Donc on nous a dit « comportez-vous de telle et telle et telle manière, quand vous serez des saints, vous pourrez vous aimer, et quand vous vous aimerez, vous passerez dans le chat de l'aiguille pour trouver la merveille que vous êtes ». Moi je vous dis autre chose, acceptez ce que vous êtes maintenant, c'est-à-dire ce que vous êtes simplement maintenant, sans devenir quelque chose, sans vous changer, sans vous améliorer, sans évoluer, simplement ce que vous êtes maintenant. Quand j'accepte ça, le médiocre et banal humain que je suis, j'accepte les deux polarités. Je suis grand et petit, c'est ça l'expérience que j'ai fait dans ma vie. Des fois je suis sympa, des fois je suis pas sympa, des fois je suis généreux et des fois je suis radin au possible, des fois j'ai peur et des fois j'ai pas peur. Et tout le monde a fait cette expérience et c'est ça que nous sommes réellement. Donc j'accepte la médiocrité de ce résultat, plus et moins, j'accepte la médiocrité de cette polarité pleinement. Et l'accepter, ça veut dire simplement que je la reconnais dans l'extérieur. Je me reconnais dans le terroriste comme dans le sauveur de l'humanité. Je me reconnais dans les deux acceptations de la polarité. Et me reconnaissant, il se peut, et ce sera un dommage collatéral, si vous voulez, ce sera une conséquence, il se peut que je trouve la merveille en moi. Donc il s'agit simplement de poser une étape. D'abord, j'accepte sincèrement d'être juste ce que je suis. Point barre. Et il se peut qu'il s'avère que l'homme médiocre et banal que nous sommes soit aussi merveilleux.